Mais ce qui vous intéresserait peut-être sans doute, c'est le côté cognitif. C'est-à-dire, le côté spatial, c'est le côté collectif. C'est-à-dire, j'ai parlé, si vous voulez, à la fois de l'espace objectif dans lequel nous vivons ou du collectif qui se prépare grâce à cet espace. Et si nous parlions du côté subjectif? Alors, ce qui m'intéresse dans les nouvelles technologies de ce point de vue-là, du point de vue cognitif, c'est la chose suivante. Quand j'étais petit, mon professeur de philosophie m'avait enseigné qu'il y avait trois fonctions cognitives dans l'esprit de chacun. C'était la mémoire, la raison et l'imagination. C'était ce qu'on appelait les facultés. Très bien. Ces facultés étaient référées à moi, Michel Serres. J'avais de la mémoire ou je n'en avais pas. J'étais raisonnable ou j'étais moins raisonnable. J'étais imaginatif, oui ou non. C'est-à-dire, c'est le sujet personnel qui portait ces trois facultés, avec plus ou moins de bonheur. Et à mesure que les sciences cognitives ont avancé, on s'est de plus en plus référé au cerveau pour savoir où était, comment fonctionnait, avec quel type de neurones et dans quelle zone, la raison, l'imagination, ces facultés-là. Alors maintenant, parlons des nouvelles technologies. Et essayons de refaire l'histoire dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vois des gens parmi vous qui prennent des notes, n'est-ce pas ? Ils prennent des notes, pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de perdre le souvenir de ce qui a été dit. Revenons, je vous prie, en arrière, avant non seulement les nouvelles technologies, mais avant l'imprimerie, non, pas avant l'imprimerie, avant l'écriture. Et imaginons ce qui se passerait avant l'écriture. Ben, avant l'écriture, nous savons ce qui s'est passé, c'est assez bien documenté. Nous savions qu'il y avait des aèdes, des chanteurs, qui chantaient dans les villages et qui savaient par cœur les textes qu'ils récitaient ou qu'ils chantaient. Et les gens du village apprenaient par cœur ces textes-là, qui étaient leur culture, le souvenir qu'ils avaient de leur histoire. Et l'apprenant par cœur, ils apprenaient de plus en plus de choses par cœur, de sorte que lorsqu'un vieillard mourait dans un village, on disait « c'est toute une bibliothèque qui disparaît ». La tradition du village était portée par les anciens. Le culte des anciens ne venait que de là, c'est-à-dire il était le stock mémonique de la culture, en question. Vous voyez ? Bon. Soudain apparaît l'écriture. Dès qu'apparaît l'écriture, et il est bien clair que tout ce qui était mémoire individuelle de ce vieillard ou de ce qui apprenait passe sur le support, sur le parchemin, sur le papier bientôt avec le papyrus, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe ce que Socrate dit à Platon, vous perdez la mémoire. Vous êtes en train de perdre la mémoire et en effet, les gens qui peuvent prendre par écrit le texte qui est dit, autrement dit, lorsqu'on critique les textes anciens, Platon, la Bible hébraïque, les évangiles chrétiens, etc., on croit que parce qu'il n'y avait pas d'écriture, la transmission n'était pas fidèle. C'est exactement le contraire. Moins il y avait d'écriture, plus ils avaient de la mémoire. Et nous avons des témoignages de ça jusqu'au Moyen-Âge, où lorsqu'Albert le Grand faisait cours à la Sorbonne, les étudiants étaient debout, les mains derrière le dos, et ils écoutaient le cours d'Albert le Grand, et chacun était capable, 7 ans, 10 ans, 15 ans après, de réciter mot à mot à la virgule près ce qu'avait dit Albert le Grand 8 ou 15 ans avant. La preuve, c'est qu'on a les textes de Platon, où les gens disent « qu'est-ce qu'il a dit Socrate ce soir-là » et Apollodore répond, et il répond « 90 pages ». Et il savait 90 pages par cœur, ce qui n'était pas un exploit extraordinaire à l'époque. Ils avaient de la mémoire. Au moment où l'écriture arrive, on perd la mémoire, parce que la preuve qu'on n'avait pas de mémoire, vous prenez des notes. Vous n'allez pas vous souvenir dans 2 heures ou dans 2 jours, encore moins dans 2 ans, ce qui a été dit ce soir, dont vous prenez des notes. Vous vous rendez compte de ce qui est arrivé quand il y a eu l'imprimerie ? Quand il y a eu l'imprimerie, il y a eu une perte de mémoire encore plus forte. Et la preuve, on a de ça des preuves tangibles. C'est-à-dire, lorsque Montaigne dit, ce texte sur lequel vous avez peut-être écrit des dissertations quand vous étiez en seconde, « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine », vous vous rappelez de cette expression de Montaigne, « Je préfère une tête bien pleine, bien faite à une tête bien faite », qu'est-ce que vous croyez qu'il disait ? Il disait simplement, avant l'invention de l'imprimerie, si j'étais historien, il fallait que je sache par cœur Plutarque, il fallait que je sache par cœur Tacite, il fallait par cœur tous les historiens, puisqu'il n'y avait pas, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de livres. Mais maintenant que je peux mettre dans le rayonnage de ma librairie, comme disait Montaigne, tous les historiens en question et tous les philosophes, je n'ai plus besoin de savoir par cœur. Donc je n'ai plus la tête pleine, j'ai la tête bien faite. Et le bénéfice de la mémoire était gigantesque. C'est-à-dire, au lieu de savoir par cœur Tacite, etc., il suffit de savoir que c'était à la lettre T, au rayonnage 2, à gauche de la cheminée. Vous voyez, c'était un allègement formidable à la mémoire. On avait perdu la mémoire. Alors ça, c'est une réponse à tous les technophobes. Vous savez, les technophobes disent, c'est terrible, on va perdre. On va perdre la mémoire. Oui, on a perdu la mémoire. Oui, au moment où on invente l'imprimerie, on perd la mémoire. Oui, au moment de l'imprimerie, mais Montaigne est heureux de perdre la mémoire. Et moi, je suis heureux de n'avoir pas chaque fois à mettre des notes en bas de page, vous savez, comme dans, je ne sais pas, vous avez tous pris sans doute des livres de la bibliothèque de la Pléiade, où vous achetez 300 pages de Mérimée et 900 pages de notes du professeur Rat de l'Institut. Vous voyez, ben, je m'en fous, moi, des notes, puisqu'elles sont toutes dans le web. Et regardez l'allègement. Vous voyez, c'est comme dans les hôtels, on économise des serviettes. Ben, on économise du papier, puisqu'il n'y a qu'à regarder dans un moteur pour avoir les notes en question. Vous voyez. Par conséquent, nous perdons de plus en plus de la mémoire. Pourquoi ? Parce que la mémoire, alors maintenant, un petit effort théorique pour en voir exactement ce qui est nouveau, c'est que la mémoire, au lieu d'être une faculté subjective portée par l'individu, le sujet et, disons, le cerveau, est portée par un objet extérieur au corps, le papier, le papyrus, le livre, la mémoire de l'ordinateur. Elle est dans l'objet. Elle n'est plus dans le sujet, elle est dans l'objet. Et ça, c'est fondamental. Nos facultés passent du sujet à l'objet. Voilà pour la mémoire. Vous n'avez plus aucune mémoire, mais vous avez à votre disposition toute la mémoire du monde. Vous n'avez plus de mémoire subjective, vous n'avez plus que des mémoires objectives. Vous n'avez plus de mémoire interne, vous n'avez plus que des mémoires externes. Nous avons externalisé les facultés cognitives. C'est-à-dire les nouvelles technologies externalisent les facultés cognitives. Ça, c'est pour la mémoire. Et que les philosophes aujourd'hui déplorent que mes étudiants perdent la mémoire, moi, je m'en réjouis. C'est-à-dire, pourquoi croyez-vous que, vers le 15-16e siècle, l'Europe occidentale ait inventé la science moderne ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils avaient perdu la mémoire. C'est-à-dire que les physiciens de l'époque, à l'époque d'Albert le Grand, devaient savoir par cœur tous les physiciens précédents. Ils devaient savoir par cœur tous les phénomènes de la nature. Ils devaient savoir par cœur, etc. Et tout d'un coup, toute cette mémoire s'est dégagée et passée dans les livres. Ils avaient la tête vide. Ils n'avaient plus la tête pleine, ils n'avaient plus la tête vide. Et grâce à ça, ils ont pu observer et expérimenter. Je suis certain que l'origine des sciences modernes à la Renaissance vient de l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire qu'à un moment, on a perdu la mémoire. Je reviendrai sur le mot « perdre ».